Selon le journal internet sud-coréen Jajo Sibon, la cérémonie des funérailles pour le Parti de la Corée libre a eu lieu le 7 juillet devant les sièges de ce parti dans la ville de Daegu et la province du Gyeongsang du Nord sous les auspices des formations citadins de Daegu désirant la dissolution du Parti de la Corée libre et solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté de Daegu et du Gyeongsang du Nord. Le présentateur de la cérémonie a dit que le Parti de la Corée libre, nouvelle forme du Parti pour un nouveau monde, doit réfléchir dans la tombe sur tous ses crimes et prendre une décision de ne pas récidiver. Par ailleurs, à Daegu, se livre chaque jour depuis le 17 juin la manifestation des citadins pour la dissolution du Parti de la Corée libre.